Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 14 septembre 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris. Nous sommes en direct, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne les Remiremont, Léa de l'association Plumenco ainsi que Alexia, la service civique de l'association. Donc bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va. Parfait. Donc nos auditeurs et nos auditrices sont habitués, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, pouvez-vous vous présenter en quelques mots à tour de rôle du coup ? Eh bien, je suis Léa, comme tu viens de le dire, Je suis éducatrice spécialisée et j'habite à Rue-sur-Moselle. D'accord. Et moi du coup, je suis Alexia, donc j'ai 24 ans et j'effectue mon service civique à Plumenco depuis 3 mois déjà. Ok, c'est un contrat de combien de temps ? Alors c'est un contrat de 9 mois. Ok. Très bien. Donc cette émission va se dérouler en plusieurs parties, comme je l'ai dit en off. Je vous propose d'abord de parler de l'association Plumenco, pour ensuite parler de la conférence éduquée avec les animaux organisée le 22 septembre prochain à 20h, dans laquelle interviendra François Béger, ok, fondateur et président de l'Institut français de zoothérapie. Donc est-ce que ça vous va comme programme ? Super, super. Parfait. Donc, on va commencer par parler de l'association Plumenco. Depuis combien de temps cette association existe-t-elle ? Alors, elle existe depuis 2017. D'accord. Ça va faire 5 ans, à peu près, 4 ans. Oui, 4 ans, 4-5 ans, voilà. Et pourquoi ce nom de Plumenco ? Alors, Plumenco, c'est au départ une petite chèvre que j'ai qui s'appelait Plume. Et avec lesquelles, dans le début du projet, on a... En fait, elle m'a inspiré un petit peu ce projet et puis toutes ses envies. Et du coup, je me suis dit que pour le nom de l'association, Plumenco pour Plume et compagnie, et puis que ça avait un petit côté un petit peu sympa. Donc voilà, c'est comme ça que c'est né ce nom. D'accord, donc tu es la créatrice de Plumenco du coup ? Voilà, c'est ça, avec un groupe d'amis qui est dans le social, nous avons créé l'association il y a 4 ans, dans le but du coup, pour Plumenco, de promouvoir la médiation animale et le contact avec la nature pour des personnes en difficulté. D'accord, donc... pour qui et par qui cette association a-t-elle été créée, donc par qui ? Par toi du coup et des amis, et pour qui ? Et bien voilà, alors du coup ça s'adresse à un public de personnes en difficulté, donc comme je l'ai dit en début d'émission, je suis éducatrice spécialisée. Donc le début du projet, c'était que je travaillais dans une ferme sur les hauteurs, de Rue-sur-Moselle, du Giremont, et j'ai eu envie de développer un petit peu l'accueil pour des personnes en difficulté, et avec le contact et de privilégier en tout cas le contact avec la nature et les animaux. C'est-à-dire que mon travail, c'était de travailler avec des publics fragilisés, handicap. Et je me suis rendu compte que le contact, finalement, avec les animaux, la nature, était très bienfaisant, en tout cas, et que ça permettait aussi de développer dans mon travail des axes qui étaient intéressants. D'accord. Et donc, pourquoi justement avoir pris la décision de travailler avec des animaux ? C'est grâce à ton expérience dans des fermes déjà ? Voilà, c'est ça. C'est petit à petit, en travaillant dans des fermes, je me suis rendu compte que le contact avec les chiens, les chevaux, et puis les chèvres, ça permettait en fait d'avoir un biais et de travailler avec ces personnes en difficulté qui des fois étaient dans le refus pour un accompagnement. Et finalement, l'animal détendait l'ambiance. Ça apportait quelque chose de différent en tout cas, et c'est comme ça qu'est né un peu tout ça, tout ce projet, cette réflexion, pourquoi amener un animal auprès d'une personne en difficulté en fin de compte. Et donc j'ai cherché des formations et je me suis formée petit à petit pour pouvoir amener une corde à mon arc en quelque sorte de travail d'éducateur spécialisé. D'accord, donc nous allons parler de tout ça pendant toute cette heure d'émission. Et donc comme tu viens de le dire, et je l'ai également vu en préparant cette émission car je fais des recherches avant de préparer mes émissions quand même. J'ai vu sur le site internet de Plumenco et même sur la page Facebook que Plumenco est né de la volonté de ses membres de faire découvrir les animaux auprès d'un public en difficulté, donc comme tu l'as dit. Et donc quand tu dis public en difficulté, qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, en tout cas, le public en difficulté, c'est-à-dire des enfants qui vont être atteints de handicap. Ça peut être différents handicaps, psychiques, moteurs ou bien intellectuels. D'accord. Ça peut être des adolescents qui sont souvent placés par l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire qui sont retirés de leur famille puis placés dans des foyers. Voilà. Ça peut être des enfants aussi qui sont déscolarisés parce qu'ils ont des problèmes de comportement. Et voilà, ça c'est un public, ça peut être les personnes âgées, donc là je travaille, et puis aussi un public comme des petits-enfants, des crèches en quelque sorte, voilà. Tout est bon pour amener le public au contact des animaux. D'accord, et toujours oui, avec cette relation animalière du voilà, coup. C'est ça. Et donc, vu que Plumenco c'est une ferme, voilà. Donc quels sont les animaux que l'on peut retrouver dans cette ferme? Est-ce que ce sont les animaux genre des vaches, des cochons, des poules, ou est-ce que c'est des animaux différents? Alors non, il y a des animaux qu'on peut trouver dans une ferme, c'est-à-dire qu'on va partir du cheval, des chèvres, moutons, poules, lapins, cochons d'Inde pour aller du plus petit au plus petit, chiens, je travaille avec des ânes aussi. D'accord. Donc voilà, c'est tous les animaux en quelque sorte, mais par contre, ces animaux qui vont être en contact du public ont tous été à peu près éduqués, c'est-à-dire sensibilisés pour être au contact du public et être plutôt calmes et voilà, sans, pour pouvoir s'adapter en fonction des problématiques. D'accord, donc ce sont quand même des animaux spécialisés du coup entre guillemets. Exactement, c'est ça. D'accord. Et donc j'ai appris, pareil, sur le site internet de Plumenco, que vous êtes convaincu chez Plumenco que les animaux peuvent avoir de réels effets bénéfiques sur nous, sur le public. Donc est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ces effets bénéfiques? Eh bien, c'est tout le principe donc de la médiation animale ou zoothérapie. Donc je peux apporter une petite définition de la médiation animale parce que du coup c'est une méthode de travail qui favorise les liens naturels des animaux et des hommes, et qu'un professionnel formé va mettre en relation donc une personne en difficulté et un animal. Et c'est une méthode d'intervention qui est basée sur cette relation bienfaisante, en tout cas, que une personne a naturellement face à un animal, c'est-à-dire qu'on aime les animaux pour ce qu'ils sont, et on va aimer s'en occuper, les toucher, ou aussi peut-être les observer simplement, et regarder un petit peu comment ils interagissent avec leur environnement. D'accord. Donc tout ça, c'est vraiment le pouvoir, entre guillemets, des animaux. Voilà, exactement. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent encore douter de ce pouvoir des animaux, mais pourtant, grâce à Plumenco, c'est grâce aux animaux que vous soignez, entre guillemets, les gens. Donc, que dirais-tu aux gens qui disent que les animaux, ce sont juste des animaux sans aucun pouvoir, sans rien du tout? Ben, je leur dirais de venir faire un tour. c'est vrai que quand on vit pas avec des animaux, on a du mal à se rendre compte, peut-être éventuellement, de ce que ça peut apporter à quelqu'un. Après, je comprends qu'il y ait des personnes qui n'aient pas forcément cet attrait. Mais en tout cas, nous, dans ce qui se travaille à l'association, et ce qu'on voit par rapport aux enfants, c'est que ça fait du bien, ça calme, ça détend. Et après, on apporte plein d'autres axes de travail qui vont permettre à la personne aussi de se valoriser dans le contact avec l'animal, quoi. Et donc, comme tu l'as dit, ça vous arrive de travailler avec des enfants, des petits-enfants, et on sait que parfois les enfants peuvent être assez agressifs envers les animaux. Donc, c'est aussi, vous apprenez aussi aux enfants d'y aller doucement. Exactement. En fait, ça va être le savoir-vivre envers les animaux, avec les animaux, qui va être aussi appris, inculqué tout au long des séances, parce qu'on travaille en séance, et qui va permettre à l'enfant ou à la personne d'adapter son comportement face à l'animal. Donc il est vrai que les animaux que nous avons à Plumenco ont été éduqués pour accueillir du public et connaître, être à l'aise avec le public, mais ils sont pas non plus des peluches, c'est-à-dire qu'ils ont aussi leur libre arbitre et leur naturel qui est là, et si la personne en face n'a pas forcément une attitude adaptée, l'animal va pouvoir se retirer, partir, et alors on va travailler avec la personne sur l'attitude à avoir et pourquoi avoir cette attitude. Donc c'est-à-dire que c'est un effet immédiat qu'on peut avoir avec l'animal qui est très intéressant, c'est-à-dire que si l'attitude n'est pas bonne, l'animal va s'éloigner et on va essayer de réajuster, de chercher la bonne attitude pour pouvoir la proposer et puis approcher l'animal. Et surtout qu'un animal, ça a du coup l'instinct animal, donc ça peut également être assez violent aussi envers les personnes. Donc il faut, c'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Doucement, exactement. Il faut y aller doucement. Et puis il faut aussi observer, comprendre. Comprendre pourquoi l'animal va être en recul à ce moment-là, pourquoi ça peut être compliqué aussi pour lui, parce que voilà, il va y avoir un geste, un son qui va pas lui plaire, et surtout réadapter, comme je le disais. Et puis bon, pour revenir là-dessus aussi sur j'ai envie de parler de bien-être animal dans cette activité-là, parce qu'en fin de compte, il faut aussi respecter l'animal qui peut aussi avoir des peurs, en quelque sorte, si la personne n'a pas une attitude adaptée. Et c'est très important pour nous, à Plumenco, ben, de respecter l'animal, de comprendre pourquoi il ne va pas forcément vouloir, ou à ce moment-là, vouloir travailler. Bon, c'est un mot pour dire que ben, c'est un peu, voilà, qu'ils viennent, qu'ils sont partenaires avec nous dans une séance ou un contact, et qu'on va pouvoir réajuster aussi et ne pas forcer l'animal à être une sorte de peluche qui va accepter tout ce qu'on lui inflige, en quelque sorte. Bien sûr. Donc, nous l'avons dit en début d'émission, Plumenco, c'est une association. Donc, qui compose cette association? Combien vous êtes dans cette association? Est-ce que vous n'êtes que des professionnels du monde animal ou autre? Il y a beaucoup, ben, en fait, plein de gens qui s'intéressent au monde animal. Il y a des professionnels. Et puis, voilà, on a une sorte de, une vingtaine de bénévoles qui gravitent autour, qui viennent, ou qui sont intéressés par le monde animalier, ou qui sont intéressés par l'éducation spécialisée. Voilà, qui s'intéresse au projet. Et tout le monde peut adhérer à cette association? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, avant, il est 14h12, avant de parler plus en détail de tout ça, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que tu as choisie, Léa, il me semble. Oui, moi et Alexia, on les a choisis ensemble. Léa, que vous avez choisi, du coup, voilà. Et que nous écoutons Redbone avec leur titre, leur célèbre titre, j'ai envie de dire, Come and Get Your Love. Donc, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h16, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France. Vous venez d'écouter Redbone et leur titre Come and Get Your Love et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Léa de l'association Plumenco et de Alexia, la service civique de l'association. Ça va toujours ? Oui. Oui, super. Parfait. Donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce titre de Redbone ? Allez, moi je crois que c'est Alexia qui répond parce que c'est elle qui a demandé. C'est moi qui ai choisi cette musique, déjà parce que c'est une musique que j'aime beaucoup et qui est arrivée un peu, que j'ai découvert quand j'ai aussi appris que je partais faire un service civique et donc c'est ça en lien avec une certaine joie en fait de ce service. D'accord. Donc nous allons prendre le cours de cette émission. Donc comme nous l'avons dit un petit peu plus tôt, l'association Plumenco utilise la zoothérapie. Donc on l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais on peut peut-être un petit peu développer. Qu'est-ce que la zoothérapie ? Donc zoothérapie ou médiation animale, comme je disais tout à l'heure, c'est une méthode d'intervention qu'un professionnel formé, donc éducatrice spécialisée, utilise pour mettre en rapport des personnes en difficulté. Donc c'est une méthode de travail en quelque sorte qui favorise les liens naturels des animaux avec les humains. Tout simplement. C'est bon ? Oui, c'est okay. Parfait. Donc, et aussi il est important de noter que la zoothérapie n'œuvre pas que dans le domaine thérapeutique, elle œuvre également dans les domaines éducatifs et sociaux. Mmh, exactement. Dans quelle proportion ? C'est-à-dire au niveau de l'association ou en général ? En général et au niveau de l'association aussi, du coup. Éducatif, de toute manière, c'est toujours intéressant d'observer, comme on faisait un petit peu à l'école, observer comment l'animal se déplace, comment il vit, et un petit peu comprendre aussi pourquoi une grenouille va vivre. Voilà, donc c'est de l'observation, ce qu'on appelle aussi l'éthologie. C'est l'observation du monde animal et de la compréhension aussi. Pourquoi est-ce qu'on s'est développé comme ça ? Pourquoi est-ce que ces animaux vivent dans tel... Et qu'est-ce qui fait qu'ils vont être bien ou pas bien ? Et qu'est-ce qui va être bon pour leur développement aussi, quoi. Et pour l'aspect social, du coup ? L'aspect social, c'est l'aspect de mise en relation d'une personne en difficulté. Qu'est-ce qui va apporter ? Ça va apporter des choses positives pour elle, quoi. Donc finalement, les aspects thérapeutiques, éducatifs et sociaux, ça se réunit, du coup. Voilà, exactement. Oui. Ok. Mais du coup, pour avoir un bienfait sur le mental ou le physique, on l'a également dit tout à l'heure, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, en quelque sorte, donc nous on travaille en séance avec des programmes, donc un programme élaboré par rapport à l'enfant. Donc on accueille des enfants soit en individuel, soit en groupe, en quelque sorte, sur le site de l'association, donc la ferme. Et on va avoir, en fonction des problématiques, des objectifs avec lesquels on va travailler pour atteindre un certain mieux-être, en tout cas, de la personne. Ça va être en fonction de ces problématiques, en quelque sorte, quels objectifs on va atteindre en fonction de la problématique, comme je viens de le dire. Donc, ça dépend aussi. Donc, ça peut être des petits groupes ou en individuel. D'accord. Et en fonction de que ce soit en individuel ou en collectif, du coup, est-ce que le programme, entre guillemets, change ou est-ce que c'est le même ? Oui, il change en fonction des problématiques et puis aussi, du groupe et de ce qu'on veut atteindre en quelque sorte, quoi. On a plusieurs types d'animaux avec lesquels on va travailler en fonction des problématiques et aussi... quels axes on va utiliser pour une approche plus globale et plus intéressante avec cette personne. D'accord. Donc chaque animal correspond à un problème, entre guillemets. Ou en tout cas, une affinité en quelque sorte par rapport à la personne. On va dire que pas forcément prendre un petit animal si la personne a envie plutôt a besoin de se confronter à quelque chose de plus imposant. On va peut-être utiliser un animal plus imposant du coup et qui va permettre une approche différente. Ça dépend vraiment des problématiques. D'accord. Ok. Donc d'accord. Je vois. Et donc Intéressons-nous maintenant aux séances du coup de médiation animale, bien que on l'a fait. Donc, comment sont-elles effectuées? Eh ben, elles sont effectuées sur le site. On peut se déplacer aussi. J'ai parlé des maisons de retraite dans lesquelles on peut intervenir en déplaçant les animaux, mais aussi sur le site. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais c'est, moi, septembre aussi un peu est assez particulier parce que nous mettons en place un centre d'accueil en zoothérapie sur le site. Donc, c'est-à-dire que c'est une salle d'accueil qui va permettre de faire des activités et les séances au sein de cette salle avec les animaux qui sont autour. Donc, on a développé ce projet depuis un an maintenant et elle va ouvrir ses portes la semaine prochaine. D'accord. Et ça va permettre de faire nos séances au sein de cette salle et d'avoir tout notre matériel pédagogique, éducatif pour pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions. D'accord. Donc là aussi, dans cette salle, tout le monde pourra y accéder, du coup. Voilà, toutes les personnes qui viennent faire des séances de médiation animale. D'accord. Et donc, ce programme de médiation animale, à quoi répond-il ? Eh ben, il répond aux besoins des personnes en difficulté et des demandes, en quelque sorte. Souvent, ça peut être un enfant qui vient accompagné de ses parents et avec lequel on va travailler sur une difficulté en particulier. Donc, en collaboration avec la famille, nous allons travailler sur cette problématique et essayer tout doucement de délier ces problèmes, en quelque sorte. Donc, la séance comprend ce qu'on va imposer. Ça peut être au contact des chiens, si des exemples, ça peut être au contact des chiens, proposer une balade et expliquer pourquoi, comment réagissent les animaux, à quel moment, comment se positionner face à un animal, pourquoi on aurait cette position ou pas, et qu'est-ce qui peut être bien pour cet animal, ce chien par exemple, ou pas, et quels sont les signaux qui vont apparaître de faire du malaise chez les chiens, et pourquoi est-ce qu'il serait mal à l'aise par rapport à une promenade, un temps donné, quelles sont les communications non verbales par rapport au chien. Pourquoi le chien réagit comme ça physiquement et qu'est-ce qu'il peut faire qu'on peut améliorer cette communication ou cette relation. D'accord. Est-ce qu'il y a des problématiques qui reviennent le plus souvent? Je sais pas s'il y en a souvent, mais ça peut être des troubles de l'attention par moment, en fait, en quelque sorte, pour certains enfants qui viennent, qui ont des petits soucis en classe et qui vont avoir des troubles de l'attention. Donc, on va travailler sur ces troubles-là et comment, troubles de l'attention, du déficit, quoi, de l'attention. Et travailler un petit peu sur des activités qui vont permettre d'essayer de recentrer un petit peu, de recentrer le jeune, en tout cas, sur qui il est à ce moment-là et comment s'occuper d'un animal du début à la fin sans changer forcément, en restant concentré sur une tâche. D'accord, et ces séances du coup de médiation animale s'adressent, comme on l'a dit tout à l'heure, à tout le monde, des jeunes, des moins jeunes. Et donc j'imagine que, je sais pas en fait, mais est-ce que du coup en fonction de l'âge, de l'âge différent, les problèmes sont différents également? Oui, ça peut arriver en fonction de l'âge, en fonction du parcours de vie, en fonction des difficultés, ça peut être vraiment différent et on n'a jamais. Il faut toujours se réinventer, retrouver aussi des activités, trouver quel animal peut être le plus. Il faut s'adapter. Je pense qu'Alexia pourra en parler tout à l'heure, que la capacité d'adaptation, c'est le maître mot de ce métier. Parce qu'en fin de compte, entre l'enfant face à l'animal, il va avoir un panel de possibilités. Il va falloir pallier et essayer de s'adapter au maximum entre tout ça, quoi. D'accord. Et donc justement, avant de nous intéresser encore plus à tout ça, et avant de nous intéresser à ton parcours, Alexia, du coup, et à la conférence qui va bientôt arriver, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale, dans une deuxième pause musicale que vous avez choisie une nouvelle fois toutes les deux, et que nous écoutions le morceau Le Temps de l'Amour de Ma Homme, c'est un remix. Donc est-ce que ça vous va qu'on écoute ce morceau? Super. Parfait. Donc on écoute Ma Homme avec le remix du Temps de l'Amour et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure tout. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo et vous êtes toujours en direct. Il est 14h28, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et même une nouvelle fois sur notre site internet https://radiogémozo.radio-website.com/. Si vous en avez marre que je répète les références, c'est normal, mais je vais continuer parce que c'est important. Donc vous nous écoutez partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers. Vous venez d'écouter Mahom avec le morceau intitulé Le Temps de l'Amour et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Léa de l'association Plumenco et de Alexia, la service civique de l'association Plumenco. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie? Oui, très bien. Oui, c'est excellent Radio Gémozo. On est bien ici. Donc même question que pour la première fréquence musicale, est-ce qu'il y a une raison différente pour laquelle tu as choisi du coup Alexia cette chanson ou pas du tout? Non, c'est vraiment la même raison et surtout au moment de dire qu'ils disent de l'aventure en fait, parce que pour moi ça a été une aventure pour venir faire un service civique. Très bien. Donc nous allons poursuivre. Du coup, donc maintenant, je vais s'adresser un peu plus longuement à toi, du coup, Alexia, et à ton parcours en tant que service civique. D'accord. Donc tu es, du coup, comme je viens de dire, la service civique de l'association Plumenco. Comment t'es venue cette envie de faire un service civique chez Plumenco? Alors, de base, il y a quelques années, j'ai eu l'idée de un jour développer ma propre ferme pédagogique. Pour ça, il me fallait déjà découvrir le milieu de la ferme, etc., vu que je connaissais pas beaucoup. À la base, je viens de Bretagne aussi, et je cherchais juste un service civique dans une ferme. Et j'ai vu l'annonce, et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, et voilà pourquoi. Voilà. D'accord, donc tu as fait le trajet de la Bretagne aux Vosges pour faire ce service civique? C'est ça, oui. Ah, donc ça traverse toute la France, du coup? Oui, oui. on ramène des gens de l'Ouest dans les Vosges. C'est ça, c'est de l'ambition, c'est bien. Et donc, j'allais te demander, comment tu as entendu parler de cette association? Tu as fait tes recherches par toi-même, du coup? Alors, oui, j'ai cherché sur Internet, en fait, tout ce qu'on pouvait faire en étant jeune, donc à moins de 26 ans. Mm-hmm. Et j'ai vu, donc, service civique. Et je suis allée sur le site internet tout simplement et il y avait toutes les offres à répondre. Et moi, j'ai vraiment cherché l'esprit un peu nature et ferme et aussi la montagne. Mm-hmm. Vraiment un peu de m'éloigner de ce que je connaissais. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée sur l'annonce. D'accord. Et ça n'a pas été trop compliqué de quitter la Bretagne pour venir jusqu'ici? C'est pour ça que c'est une aventure. Ça va. Mais c'était une grande aventure parce qu'au début c'est vraiment un changement, un changement en fait. Bien et sûr. J'ai été bien accueillie dans l'association et enfin le milieu est quand même génial. Enfin donc je me suis vite habituée quand même. D'accord. Donc avant de faire ce service civique, est-ce que tu as fait des études dans le monde animal ou vétérinaire peut-être? Alors non du tout, à la base j'ai juste un bac plus 3 en management commercial, enfin vraiment complètement différent, j'étais dans les bureaux, etc. Donc voilà. Oui, et là du coup t'es avec les animaux du coup. Ouais. Et donc le bien-être animal c'est une cause qui te tient à cœur? Oui, encore plus aujourd'hui depuis que je suis dans l'association et que comme l'a dit Léa tout à l'heure, c'est que je vois vraiment comment sont les animaux dans leur milieu naturel et comment ils sont. Et maintenant, c'est devenu encore plus important pour moi de savoir ce dont ils ont besoin et comment s'en bien occuper, etc. Et d'avoir leur apporter beaucoup de bien-être. Mmh. Et si on peut, si un jour, par exemple, si demain on te dit tu vas faire toute ta carrière dans le monde animal? Ah, carrément, d'accord, je fonce. Ok, et donc justement, en tant que service civique chez Plumenco, quelles sont tes tâches, quels sont les travaux que tu dois effectuer? Donc j'ai trois grandes tâches, en fait. J'en ai une, donc j'accompagne Léa dans toutes les séances de médiation animale. Donc moi, je découvre son métier et j'accompagne aussi les jeunes et je propose aussi des activités aux jeunes. La deuxième, c'est bien sûr, je m'occupe des animaux. Bien sûr. Voilà. Et la troisième, c'est que j'aide à l'organisation pour tout ce qui est l'inauguration de la salle de zoothérapie, de la conférence aussi qu'on prépare pour le 22 septembre. J'ai aussi développé le site D'accord. Que vous avez pu lire. Mm-hmm. Et voilà, et moi je suis ici donc pour apporter mes compétences que je peux avoir et qu'on fasse un échange de compétences en fait avec Léa dans son métier et dans ce que moi j'ai eu en autres compétences. Mm. Voilà. Justement, quand tu réponds, je vois Léa qui acquiesce beaucoup. Oui, bah oui, c'est très bien, tout ça est vrai. Alexia, c'est une bonne service civique. Excellente. Donc, c'est parce que en tant que service civique, comme je suis aussi passé par là en tant à Radio Guimauzo, c'est important de poser des questions également. Bien sûr. Oui, oui. Bah, t'intéressé. Je pense qu'on échange énormément sur son métier, sur le fait d'être dans une ferme, sur les animaux en général, et vraiment, enfin, on échange beaucoup. Et enfin, je lui pose, je pense, beaucoup de questions aussi sur l'handicap, sur un animal en particulier, par exemple pour le chien. Elle m'a appris le comportement du chien, les signaux, etc. Donc, c'est un grand échange. On parle beaucoup de tout ça pour se développer. Mais c'est vrai que, pour revenir sur le service civique, c'est très intéressant d'avoir un nouveau. Enfin, ça apporte à l'association un souffle nouveau. Bien sûr. Je pense que tu peux être d'accord avec ça, sur le fait que ça permet de se renouveler, d'être dans l'échange, d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne et surtout de se questionner en quelque sorte. Et dans une association, c'est important de ne pas rester figé, quoi. Donc, ça, c'est très intéressant. Mais surtout, si c'est dans un milieu qui nous tient à cœur, comme toi, avec les animaux, par exemple, c'est encore plus gratifiant. C'est sûr, oui. Et donc, tu l'as dit, tu n'as pas fait d'études du coup dans le monde animal, tu as Bac plus 3 management, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et est-ce que tu as toi-même grandi avec tes parents ou tes frères et sœurs, si tu en as, avec des animaux ? Non, du tout. Enfin, j'ai eu juste chien, chat. J'ai fait du cheval aussi pendant plusieurs années. Mm-hmm. Mais j'ai quand même toujours eu un attrait pour les animaux. Et vraiment, j'avais fait une formation de création d'entreprise pour vraiment me mettre en tant que ferme pédagogique plus tard. Donc j'ai quand même cette idée depuis des années. Donc c'était dans la continuité des choses. Voilà, c'est ça. Et donc justement, quand tu es en contact avec les animaux, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi quand tu es en contact, du coup, comme je viens de le dire, avec les animaux? Que ressens-tu? Beaucoup de joie. Ça fait beaucoup de bien d'être avec les animaux. Enfin, il y a un échange qui se fait donc entre humains, mais aussi avec les animaux c'est comme avec les jeunes qui vont venir faire des séances de médiation animale. Moi-même, je le perçois davantage aujourd'hui quand je suis avec les chèvres, les poules, les chiens, enfin tous les animaux. On ressent quand même une bonne joie. Et ça t'a, du coup, est-ce que ça t'a permis, ce service civique, de te supprimer quelques idées reçues que tu avais au fond de toi? Oui, parce que oui, complètement, parce que avec mon service civique aussi, j'ai eu le droit de faire des. Enfin, j'ai fait une formation aussi sur le handisport. C'est dans le cadre du service civique, on a des formations à faire. Et moi, j'avais choisi le handisport et j'ai appris énormément de choses. Pareil, on avait débattu sur tout ce qui était discrimination, etc. Et donc, rien que ce côté-là, ça nous a appris beaucoup. Moi, en étant dans le service civique, vu que il y a beaucoup de tâches assez différentes, faut apprendre à s'adapter. C'est aussi un peu avoir de nouvelles compétences et même personnellement être un peu une autre personne, avoir de savoir faire de nouvelles choses. Donc voilà, on apprend énormément sur nous-mêmes en faisant un service civique, même surtout à la ferme aussi. D'accord. Et donc justement, tu parles de handisport, donc là je me retourne vers Léa. Du coup, est-ce que du coup, à la ferme, vous accueillez aussi j'aime pas ce mot, mais des personnes, on va dire, à mobilité réduite, handicapées, si j'en manque une jambe ou autre? Oui, bien sûr. Oui, on travaille aussi avec ce type de personnes. D'ailleurs, on a développé un projet l'année dernière qui était d'acquérir au sein de la ferme une calèche pour personnes à mobilité réduite. D'accord. Donc, on travaille avec un cheval de trait et puis j'ai passé un diplôme pour mener, apprendre à mener et en attelage. Donc, on peut emmener des personnes. en attelage au sein des autour de chez nous dans les bois, et ce qui va permettre aux personnes à mobilité réduite justement de pouvoir aller se balader au plus dans les forêts, dans nos forêts vosgiennes, qui sont pas forcément toujours accessibles quand on est en fauteuil ou qu'on a du mal à marcher. Du coup voilà, cette calèche et cet attelage nous permet aussi d'aller se balader et de profiter en tout cas de cette nature. D'accord. Parce que oui, la nature, c'est, on va dire, c'est pas que pour les personnes, on va dire, à 100% de leur capacité, c'est pour vraiment tout le monde. Donc, heureusement que du coup, des associations comme Plumenco sont là pour ces personnes, du coup. Et donc là, je me retourne à nouveau vers Alexia, du coup. Et donc, je viens de taper le micro, excusez-moi. Donc justement, après ton service civique, est-ce que tu... Donc je t'ai posé un petit peu la question tout à l'heure, mais j'ai essayé de la tourner autrement. Quel est ton objectif, ton projet futur après ton service civique? Alors, donc avec le service civique, vu que je suis très bien accompagnée en plus dans mon service civique, je sais que l'année prochaine, je vais me réorienter vraiment dans l'animation avec les jeunes. Et vraiment, plus tard, ce serait quand même... avoir, comme j'avais eu en idée, avoir une ferme ou du moins un lien avec l'animation et les animaux, parce que j'adore ce milieu et je trouve que ça apporte énormément, que ce soit personnel ou aux autres. D'accord, donc c'est vraiment ton grand projet de créer ta propre ferme du coup pédagogique. Oui. Ok. Donc il est 14h39, avant de nous intéresser cette fois-ci à la conférence qui aura lieu le 22 septembre prochain, je vous propose de nous lancer directement dans une troisième et dernière fréquence musicale, dans une troisième pause musicale que vous avez choisie toutes les deux une nouvelle fois à nouveau. Et donc nous en parlerons un petit peu après, excusez-moi de ce bafouillage, et nous allons écouter le morceau intitulé My Boat, que l'on pourrait traduire en français par Mon bateau, voilà, de Mélissa Davo. Donc on écoute, Mélissa Lavo, pardon. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après avoir fait un petit voyage en bateau. Enivré entre les corps de vignes, admirant le beau paysage. Donc, My Boat de Melissa Lavo sur Radio Gameozo. Vous êtes toujours en direct, il est 14h44 et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et même sur notre site internet https://radiogameozo.radio-website.com/partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers du genre Suisse ou Allemagne encore, par exemple. Vous venez d'écouter du coup. Je viens de le dire, Mélissa Lavo avec My Boat, et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne, les Remiremont, de Léa de l'association Plumenco et de Alexia, la service civique de l'association Plumenco. Donc tout est toujours bon pour vous? Ouais, très super. Bien. Parfait. Donc même question que pour les deux précédentes pauses musicales. Enfin. J'ai cru comprendre que c'était Léa qui l'avait choisi celle-là. Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Et là, vas-y. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup cette énergie là de cette chanson que j'écoute aussi, un petit peu en boucle finalement, et je trouve qu'elle fait la belle vie. Je sais. Mmh. D'accord. Elle donne de la joie, et voilà cette histoire un petit peu de ce bateau. On est tous dans un bateau et finalement. On vogue tous ensemble et j'espère que ça donne un peu. J'espère que ça a donné un peu d'énergie positive sur cet après-midi. Que c'était agréable à tout le monde. J'espère aussi, surtout cet après-midi est un petit peu moche. Ce matin, on avait du soleil. Cette fois, c'est tout gris et puis ils annoncent même de l'orage en fin de journée apparemment. Mmh. Donc bon, pour l'instant, on est là. Il est 14h45. Voilà, on est bien. Donc comme annoncé avant cette pause musicale, intéressons-nous désormais à la conférence organisée très prochainement. Donc cette conférence se nomme Éduquer avec les animaux. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Cette conférence a lieu le 22 septembre, donc mercredi 22 septembre à 20h à Remiremont. Mmh. À la salle du centre culturel Zog, 18 rue de la Franche-Pierre. Donc c'est la salle culturelle qui est à peu près en face de la mairie. Mmh. L'intervenant c'est François Bégé. Mmh. Donc tu as pu le dire en début de d'émission. François Bégé, c'est une personne qui a créé l'Institut français de zoothérapie. Donc c'est un centre de formation pour les zoothérapeutes en France. Et c'est aussi ce monsieur a eu un parcours de vie assez particulier. Il est éthologue, ethnologue, zoothérapeute, conférencier. Il a écrit des livres sur la zoothérapie. D'accord. Et c'est vrai qu'il a vécu au Canada. Il a vécu avec les chiens loups et des ethnies aussi d'Arctique. Donc il a vraiment un parcours assez singulier en quelque sorte. Et il aime beaucoup raconter. Donc comme il est conférencier, c'est vrai qu'il fait des conférences un petit peu partout. Et il aime beaucoup raconter son parcours, comment il a créé aussi ce centre de zoothérapie, ce lieu de formation de zoothérapie en France, pourquoi il l'a créé, quel est son parcours de vie. Et c'est très intéressant de l'écouter. Nous avons donc l'association Plumenco l'a fait venir dans nos terres vosgiennes pour aussi, comme on en a parlé tout à l'heure, venir pour l'inauguration du centre d'accueil en zoothérapie que l'association a mis en place. Ça va ouvrir ses portes la semaine prochaine. Donc il vient aussi pour labelliser en quelque sorte, c'est-à-dire donner le cachet centre d'accueil en zoothérapie, que c'est ce monsieur qui a créé donc ce terme en quelque sorte. Et donc comme il vient pour l'inauguration, je lui ai demandé de venir faire la conférence en quelque sorte sur à Remiremont, pour pouvoir aussi permettre à tout le monde de l'écouter nous raconter un petit peu son récit de vie qui est assez particulier et très intéressant en quelque sorte. D'accord. Donc, je vous invite tous à venir l'écouter, en tout cas. Et donc, les frais, donc tout, c'est 5 euros l'entrée, tout est reversé à l'association Plumenco. C'est sur réservation aussi. Et puis, donc, comme c'est sur le centre culturel et c'est la commune, nous demande le pass sanitaire. Donc, voilà. Oui, bien sûr. Et donc, à la fin de cette conférence, est-ce qu'il y aura un genre de débat dans lequel les spectateurs pourront échanger et ou poser des questions à François Bégé? Bien sûr, oui. Donc, la conférence, évidemment, va être un petit peu interactive. Il va expliquer aussi, il a écrit des livres, donc sûrement peut-être ramener ses livres, puis aussi permettre de lui poser toutes ces questions sur justement pourquoi la zoothérapie, pourquoi il a mis en place, pourquoi il a créé ce lieu de formation aussi, et lui poser des questions, bien évidemment. Bien sûr. Oui, donc finalement, entre Plumenco et du coup François Bégé, c'était comme une évidence, entre guillemets. Oui, voilà. Et puis c'est surtout que finalement, le côté associatif permet de créer, de faire venir des personnes aussi intéressantes pour parler de ce sujet. Ça, c'était comme une évidence, en quelque sorte, parler de la zoothérapie, de tout son fond, de comment un parcours de vie, en quelque sorte, parce que nos vies sont faites de rencontres, de problèmes, de situations, d'échecs, et qui vont permettre de nous construire, en quelque sorte. Et cet aspect un petit peu parcours de vie, François Bégé l'a bien compris, et c'est très intéressant de l'écouter en parler. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, 5 euros l'entrée. Oui, c'est ça. Tous les frais reversés à l'association Plumenco. Donc, comme tu l'as dit, passe sanitaire obligatoire et masque obligatoire dans la salle. Oui. Donc, voilà, test PCR ou vaccination complète. Oui. Est-ce qu'il y aura, du coup, des restrictions aussi au niveau du nombre de spectateurs? Non, c'est une salle. Non, c'est une salle de 130 personnes, donc on n'a pas de restrictions. Okay. S'il y a plus de 130 personnes, il faudra que. Mais je ne pense pas. Et donc, si nous voulons obtenir plus de renseignements sur cette conférence ou réserver une place, comment pouvons-nous faire? Eh bien, il y a un mail. Donc, c'est plumenco@gmail.com. Mmh, d'accord. Il y a aussi un numéro de téléphone. Le 06 87 10 81 28. Mmh. Où vous pouvez réserver pour le nombre de places. Voilà, pour pouvoir assister à cette conférence dans la limite des places disponibles, voilà. Évidemment. De toute façon, je mettrai tous les renseignements en podcast de cette émission, super. Et aussi le site internet que Alexia a fait, d'ailleurs. Oui. Non, okay. Parfait. Donc, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument de l'être? Mais je crois qu'on a abordé quand même pas mal de points. Bah oui. C'était ça. Bah, du coup, non, ça a été. Un nouvel animal présent. Ah voilà. Oui, on a oublié de parler du nouvel animal. Et oui. Oui, la nouvelle espèce qui est arrivée récemment à Plumenco. Et ce sont des axolotes. Ah oui, les petites bêtes. Voilà. Ok. Donc je ne sais pas si les personnes qui écoutent connaissent. C'est des petites bêtes avec des trucs. Voilà, c'est ça, avec des branchies externes. Voilà. Ce sont des salamandres aquatiques, en quelque sorte. Et voilà, c'est la nouvelle acquisition pour l'association, qui va être dans la salle. Donc c'est un aquarium de 250 litres qui va être dans la salle. D'accord. Et qui va être pouvoir observer. Donc c'est toujours dans, en fait, l'esprit. Tout à l'heure, je parlais de l'éthologie, de l'observation des animaux dans leur milieu naturel ou en captivité. Et c'est toujours dans cet état d'esprit que nous travaillons, c'est-à-dire observer l'animal, ses comportements, et essayer de comprendre pourquoi ses comportements, en quelque sorte. Donc là, les axolotes, c'est vrai que c'est très atypique. Ça a un comportement, c'est assez improbable, en quelque sorte, à regarder, à nourrir. Et puis ça permet aussi de pouvoir visualiser un petit peu ces animaux, de comprendre pourquoi ils sont comme ça, d'expliquer un petit peu d'où ils viennent. En fait, l'animal lui seul nous sert à aborder une multitude de thèmes, en quelque sorte. D'accord. De thèmes différents qui vont être ben, les pays d'où viennent ces animaux, pourquoi ils se sont développés comme ça et qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont développés comme ça, pourquoi ils vont avoir certaines attitudes agressives quand on s'en approche de trop, ou pourquoi il va falloir ne pas forcément toujours les toucher, mais peut-être plus les observer de loin, et pourquoi ça aura plus d'impact peut-être de ne pas forcément accéder à un animal directement en le touchant, mais plutôt en l'observant et en regardant comment sont ses comportements ou avec d'autres animaux et ses congénères en quelque sorte. Mmh. En plus, ces animaux, ils sont assez méconnus, mais ils ont une bonne tête. Ouais, ils ont une bonne tête. On a l'impression qu'ils ont un sourire. Mais attention, ce sont des animaux, donc je le répète, qui sont en voie de disparition à l'état naturel. Mmh. L'un, il s'agit d'un animal donc domestiqué et puis préservé. Et aussi, il faut aussi avoir une certaine connaissance de cet animal. Parce que oui, ça a une bonne tête, mais ça a aussi beaucoup, beaucoup. C'est très, très strict en quelque sorte. Il faut faire très attention. C'est très fragile. Et c'est vrai que voilà, on demande toujours quand on acquiert un animal d'avoir une connaissance extrême dans cet animal, dans son fonctionnement, parce que sinon c'est vrai qu'on pourrait faire des erreurs aussi. Mm-hmm. Le bruit que vous avez entendu, c'est rien, c'est juste ma cuillère qui est tombée de ma tasse. Donc voilà, nous arrivons du coup, comme je l'ai dit, à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben, qu'est-ce qu'on peut souhaiter beaucoup de gens parlent de nous, viennent nous rencontrer s'ils le souhaitent, viennent à la conférence. Bien sûr. Et nous soutiennent en quelque sorte dans toutes nos activités. Et puis voilà, c'est une longue vie en quelque sorte. Bien sûr. Et donc justement, pour vous rencontrer, tout ça, où est-ce qu'on peut se rendre, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Eh ben, on peut envoyer un mail sur le mail de l'association, et puis il veut éventuellement venir nous visiter s'il le souhaite, donc en nous proposant. Voilà, ça arrive souvent que des gens nous demandent soit par curiosité ou par besoin de renseignements viennent nous rencontrer, et c'est toujours le meilleur moyen de comprendre et de connaître nos objectifs et notre association. Tout simplement. Un dernier mot peut-être? Non. Alexia, as-tu un dernier mot? Non, mais juste... merci de nous avoir reçus et écoutés. Avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, à Radio Gemozo de faire vivre des initiatives locales. C'est vrai que c'est rare et ça fait du bien, en quelque sorte, de vous écouter et de savoir qu'on peut venir. Parce que dès qu'on vous sollicite, enfin, là, c'est donc vous qui nous avez sollicité, oui. Mais dès qu'on vous sollicite, vous êtes curieux, vous essayez toujours de. Et puis, on a toujours une place dans vos émissions, en tout cas, donc ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Avec plaisir. Ouais. Donc voilà, c'est donc ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc je vous remercie une nouvelle fois Léa et Alexia d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain dans la journée. Et si tu veux, Léa, je pourrais même te l'envoyer par mail. Ah super, ouais. Comme ça, si tu veux la récupérer, la partager, etc. Nickel. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, moi, je vous laisse avec la rediffusion de Memento Mori d'ici quelques minutes à 15h. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux Philippe Vallet, qui sera là pour nous parler de l'association La Langue de Travers. Donc merci de votre... Oui, oui, je les connais. Ah bah voilà. Donc merci de votre fidélité à Radio Gemozo et je vous dis à demain. Donc salut et à demain.